إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons inshallah le sixième cours concernant l'ouvrage Kun Salafiyan ala al-Jadda du Sheikh Abdus Salam ibn Salim ibn Raja al-Suhaymi hafidhahullah ta'ala. Et nous nous sommes arrêtés à ce passage dans lequel le Cheikh hafidhahullah nous dit: wa hadhihi al-alqab al-sharifa tukhalifu ay laqab kan li ay firqatin kanat min wujuh. Et tous ces surnoms, les surnoms qui sont donnés au groupe sauvé, à la faction rescapée, les gens de la sunna et du suivi du prophète alayhi salatu wa salam, ne ressemblent en rien aux surnoms et aux autres noms qui sont donnés aux autres mouvements, aux autres tendances et aux autres sectes. Et cette différence entre les deux, elle est de plusieurs sortes. Al-awwal, la première, أنها نسب لم تنفصل ولو للحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة. C'est que tous ces surnoms qui sont donnés aux gens de la vérité, aux adeptes du suivi du prophète عليه الصلاة والسلام, ces surnoms, jamais ils n'ont quitté, même pour un laps de temps, la communauté musulmane depuis sa fondation selon la voie prophétique. C'est-à-dire que depuis le prophète alayhi salatu wassalam qui reçut la révélation coranique et qui enseigna l'islam à ses compagnons, puis la génération des compagnons, la génération des tabi'in, des tabi'in, ceux qui leur ont succédé de génération en génération, sans qu'il n'y ait aucune coupure. Les seuls qui sont liés au prophète alayhi salatu wassalam véritablement, et que leur islam est pris de génération en génération, jusqu'à l'époque des tabi'in, jusqu'à l'époque des sahaba, jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, ce sont les adeptes de la sunna, ahlu sunnati wal jama'a, atba'u salaf, ahlu al-athar rahimahumullahu ta'ala. فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدى بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه. Donc cela englobe tous les musulmans qui sont sur le même chemin que la première génération et ceux qui les ont suivis convenablement dans l'apprentissage, dans la quête du savoir, dans la manière et la façon de comprendre ce savoir, et aussi dans la nature même du prêche et de l'appel. وَدَرُورَةٍ حِسَارِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَدَرُورَةٌ حِسَارِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فِي أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ هَذَا الْمَنْهَجِ. Et il est une nécessité que le groupe sauvé se retrouve dans les adeptes de la sunna et du groupe qui sont les suiveurs de cette voie, de ce chemin. وَهِيَ لَا تَزَالُ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et elle restera, ce groupe restera toujours existant, présent, jusqu'au jour du jugement dernier. Parfois, ils peuvent être en grand nombre, parfois en petit nombre, mais il restera toujours une partie de la communauté musulmane qui seront apparents sur la vérité, les véritables suiveurs du prophète alayhi salatu wassalam, et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Akhdhan min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan ala al-haq. Et ceci est pris de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et restera toujours un groupe de ma communauté victorieux sur la vérité. الثاني أنها تحوي كل الإسلام. Une des caractéristiques du groupe sauvé, de ceux qui sont affiliés aux pieux prédécesseurs, c'est que ce à quoi ils appellent englobe tout l'islam, tout l'islam dans toute sa généralité et dans toute sa globalité. الكتاب والسنة, le livre d'Allah et la sunna de son prophète عليه الصلاة والسلام. فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. Donc ce n'est pas spécifique à une règle ou à une matière ou à un point spécifique de la religion musulmane qui est en contradiction avec le Coran et la sunna. Une chose, soit elle a été rajoutée ou soit une chose qui a été enlevée. Et ça, c'est l'aspect des sectes, de ceux qui ont dévié de la droiture, ceux qui contredisent le Coran et la Sunna, qui sont connus pour une question parmi les questions religieuses, mais qui va en contradiction avec le livre et la Sunna. Soit c'est une chose qu'ils ont rajoutée à l'islam, et on les reconnaît par ce point-là, ou soit une chose qu'ils ont enlevée de l'islam, et ils sont connus aussi par ce point-là. Alors que les gens de la vérité, eux, appellent à tout l'islam dans toute sa pureté et dans toute sa clarté. Les soufis, sous toutes leurs formes, le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils se concentrent sur l'intérieur de la personne, ce qu'on appelle la spiritualité. Mais avec tout ce qu'ils ont inventé et innové dans ce sujet. Car la spiritualité fait partie de l'islam. Éduquer l'âme, purifier l'âme, fait partie de l'islam. L'islam, c'est l'intérieur et l'extérieur. Ils vont de pair. Eux, ils se sont concentrés, comme ils le prétendent, sur la spiritualité et sur l'éducation et la purification de l'âme, mais ils ont innové et inventé dans ce sujet-là jusqu'à contredire le livre et la sunna. L'établir se sont concentrés sur la question de da'wa, le prêche, et ils lui ont donné une signification qui leur est propre, contraire au livre et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et ils ont été connus pour ce point-là. Al-Ikhwan se sont concentrés dans le domaine de la politique et la gouvernance jusqu'à inventer des choses et innover dans ce sujet, ce qui va en contradiction avec le livre et la sunna. Jama'at al-Takfir se sont concentrés dans le jugement à donner sur les personnes. Est-ce qu'elles sont toujours musulmanes ou pas? Jusqu'à contredire le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam dans ce sujet. Donc chacun et plein d'autres se sont fait connaître par un point parmi les points de la religion, mais dans lequel ils ont contredit le livre et la sunna. Alors que as-salafiyoun, ahlul athar, Ahl Sunnati wal Jama'a, des noms pour un même groupe qui suivent le groupe mère, le premier groupe de musulmans qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. C'est tout l'islam. Comme Allah nous dit dans le Coran, ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa. Ô vous qui avez cru, entrez en plein dans la soumission, dans l'islam. On prend tout l'islam, car tout cela est la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout cela fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le juif qui a questionné Salman al-Farisi radiyallahu anhu en lui disant: votre prophète vous a tout enseigné? Et il lui a dit: oui, il nous a même enseigné les bonnes manières à avoir dans les toilettes, comment se comporter dans les toilettes, comment se nettoyer dans les toilettes. Tout cela a été enseigné, ça n'a pas été négligé. La croyance, les adorations, le comportement, tout l'islam, ça nous a été enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam. الثالث, troisième point, أنها ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة. Ce sont des noms, des surnoms qui leur sont propres aux gens de la vérité, et qu'on retrouve ces noms dans la sunna, la tradition authentique du prophète عليه الصلاة والسلام. ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم. Et parmi ces surnoms, il y en a qui sont apparus pour contrer les gens de l'innovation et les suiveurs de la passion parmi les sectes égarées, pour réfuter et rejeter leurs innovations et pour se distinguer d'eux. Parce qu'on entend des fois des voix qui s'élèvent et qui disent: pourquoi on ne s'appelle pas seulement musulman, muslimine? Ça suffit. Oui, le terme muslimoun suffit lorsqu'il n'y aura plus de secte. Lorsqu'il n'y a plus de secte, on pourra dire le terme muslimine seulement. Mais ne vous trompez pas. Si on dit muslimoun, ça ne suffit pas aujourd'hui. Parce que la personne ne sait pas qui tu es. Tu es muslim, tayyib, par rapport aux chrétiens, aux juifs, aux polythéistes, les hindous, les bouddhistes, et ainsi de suite. Mais à l'intérieur de l'islam, tu n'es pas seul. Il y en a beaucoup qui prétendent à l'islam et qui se reconnaissent en tant que musulmans. Mais tu es quoi exactement? Tu es sunnite ou chiite? Donc tu es obligé de te distinguer. Donc tu vas dire, pour pas qu'on t'assimile aux chiites, je suis sunni. On vit une époque où le terme sunni englobe aussi beaucoup de gens qui se disent sunni. Donc tu es obligé de te distinguer pour montrer exactement qui tu es. Et puisque tu es un suiveur de la vérité, tu dis: moi je suis un musulman qui suit convenablement, de la meilleure manière, le livre d'Allah, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, mais pas avec n'importe quelle compréhension, mais avec la compréhension qu'en ont donné et qu'avaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, at-tabi'un, et les grands imams et les grands savants de l'islam. Donc tu es obligé de te distinguer. Donc il y a des gens qui disent: non mais ce nom là, pourquoi ce nom, pourquoi pas ce nom? Ne vous trompez pas, ne vous faites pas avoir par des gens qui viennent à vous parfois avec des paroles mielleuses, mais derrière c'est un poison qui se trouve. On est obligé de se distinguer pour ne pas être assimilé aux gens du faux et aux gens de l'égarement. Et les gens de la sunna sont dans le juste milieu par rapport à deux extrêmes comme l'islam et la religion du juste milieu parmi les religions et les autres doctrines. Wa min tayyib. وإبعاد الخلط بهم ولمنابذتهم. Et pour pas qu'il y ait de flou, hein, on est obligé de se distinguer. فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة. Lorsque l'innovation est apparue, ils se sont distingués par la sunna. Ils se sont distingués par leur attachement fort à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam et à la tradition de ses califes bien guidés venus après lui et de ses compagnons radiyallahu anhum. Walamma hukima ar-ra'i tamayyazu bil hadith wal athar. Et lorsque des personnes ont été connues pour être des suiveurs de l'opinion, ar-ra'i, c'est ce qu'on traduit par l'opinion. Ce sont des gens qui font un effort de réflexion sur des questions, mais sans retourner au texte, soit par manque de texte, ou pour autre raison. Là, les gens de la sunna, pour se distinguer d'eux, ils se sont fait appeler les suiveurs du hadith. Et al-athar, c'est un des synonymes du hadith. Pourquoi ? Parce qu'on est sur les traces. On suit les textes. Et les traces, ce sont les textes. Le Coran, la sunna et les récits des pieux prédécesseurs. وَلَمَّا فَشَتِ الْبِدَعْ وَالْأَهْوَى فِي الْخُلُوفِ تَمَيَّزُوا بِهَدْيِ السَّلَفِ وَهَكَذَا. Et lorsque, chez les successeurs, les générations qui sont venues après se sont répandues les innovations et les passions, alors les gens de la vérité se sont distingués par la guidée des prédécesseurs. Et ainsi de suite. Ar-rabi', quatrième point, anna 'aqd al-wala wal-bara' والموالات والمعادات لديهم هو على الإسلام لا على رسم باسم معين. Parmi les points qui les distinguent aussi, c'est que l'alliance et le désaveu de prendre pour ami ou ennemi, c'est pour l'islam qu'ils le font et non pas pour une innovation inventée et sur laquelle il y a l'attachement, puis les gens font l'alliance et le désaveu là-dedans. Et ça, on le voit très bien chez les sectes, clairement. Les sectes, ils ont des points précis qui les distinguent. Tu es avec eux dans ces points, alors ils t'aiment. Tu n'es pas avec eux dans ces points, ils te détestent et ils se désavouent de toi. Tu es d'accord avec leurs points précis ? Ils t'aiment même si tu es le plus éloigné dans les questions religieuses et le plus égaré dans le domaine dogmatique ou autre. Et si tu n'es pas d'accord avec eux sur les points qui les distinguent, ils te désavouent et ils te détestent, même si tu es la personne la plus pieuse. Wal'iyadhu billah. Jama'at al-tablir. Vous êtes d'accord avec eux sur le khuruj et vous acceptez le khuruj qu'ils font, c'est le point distinctif. Tu es un proche d'eux et ils t'aiment, même si tu as telle ou telle erreur. Mais tu es un savant de la sunna, un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu désapprouves ce qu'ils font comme khuruj, alors tu deviens leur ennemi. Pareil pour les ikhwan, pareil pour le soufisme, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jama'at al-takfir, tu es d'accord avec eux pour dire que les gouvernants sont mécréants, que telle personne sont mécréants, eh bien ils sont avec toi. Tu dis je ne suis pas d'accord avec vous pour donner tel jugement ou taxer telle personne de mécréant, là tu deviens leur ennemi. Vous avez vu, c'est sur des points bien précis qu'ils font l'alliance et le désaveu. Subhanallah. Alors que les gens de la vérité, non, c'est sur tout l'islam. Sur toutes les questions de l'islam. Parce que l'amour, aimer et détester, doit être en Allah subhanahu wa ta'ala. On aime pour Allah et on déteste pour Allah. On aime ce qu'il plaît à Allah et on déteste ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux, non, c'est sur des points bien précis sur lesquels ils se sont mis d'accord. ولا على رسم مجرد إنما هو الكتاب والسنة فحسب. Mais c'est seulement sur le livre et la sunna. Et il met en notation وفق فهم السلف, selon la compréhension des prédécesseurs. Et ça, c'est un point important. Et souvent, on entend Cheikh Al-Albani rahimahullah mettre l'accent dessus, parce que rarement vous trouverez, si ce n'est jamais, quelqu'un dire « Je ne suis pas le livre et la sunna ». Parce que celui qui dit ça, pratiquement, il dit au revoir à l'islam. Donc, ils diront tous « Nous aussi, on suit le livre et la sunna ». Les ikhwanis disent « On suit le livre et la sunna ». Les takfiris disent « On suit le livre et la sunna ». Et ainsi de suite. Mais ils suivent le livre et la sunna selon quelle compréhension? Quelle est la compréhension des versets coraniques? Quelle est la compréhension des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que c'est la même compréhension qu'avaient les califes bien guidés, les sahaba radiallahu anhum, les tabi'in, les grands imams et les grands savants de l'islam? C'est là le problème. Et c'est pour cela que les gens de la vérité mettent cette précision. On suit le livre et la sunna, mais avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Car s'il y a compréhension, c'est la leur. Ils étaient bien plus pieux et bien plus connaisseurs, et bien plus adorateurs que ceux qui viennent après eux. Et ils étaient sur le droit chemin. Et la véritable compréhension de l'islam, c'est celle qu'avaient, eux, qu'avaient ces générations bénies, vantées par le prophète, alayhi salatu wassalam. As-sahaba, radiallahu anhum, ont appris du prophète, sallam, le Coran et les hadiths, mais aussi la compréhension et la signification des versets et des hadiths. Ils l'ont pris du prophète, alayhi salatu wassalam. Al-Khamis, cinquième point, « Anna hadhihi al-alqab lam takun da'iyatan lahum lit-ta'assub li shakhsin duna rasulillah sallallahu alayhi wasallam. » Ces noms et ces surnoms qu'ont les gens de la vérité n'appellent pas au rattachement à une personne bien précise en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seule personne précise auquel on se doit de se rattacher, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien regardez chez les sectes. Chaque secte est rattachée à son fondateur. Chaque secte est rattachée au leader de la secte et du mouvement. Les tablir, leur maître, c'est leur fondateur. Mohamed Ilyas al-Kandahlaoui, de l'Inde. Avant Mohamed Ilyas al-Kandahlaoui, y avait-il Jama'at al-Tablir? Y avait-il cette compréhension de l'islam? Posez même la question aux adeptes de ce mouvement. S'ils sont honnêtes, ils vous diront non. Donc, vous n'êtes pas affiliés aux anciens. Vous avez compris? Quand on dit que les gens de la vérité, il n'y a aucune coupure. Depuis le prophète jusqu'à nos jours, il n'y a pas de coupure. Tous les autres, vérifiez, vous trouverez une coupure. Pourquoi? Parce qu'ils ont un fondateur. Et avant le fondateur, il n'y avait pas. Donc il y a bien une coupure. Subhanallah. Les soufis, chaque secte soufie, elle suit un maître. De génération en génération, jusqu'au fondateur. Mais avant le fondateur, cette secte n'existait pas. Et l'explication qui leur est propre de la religion n'existait pas. C'est inventé. Les frères musulmans, leur mouvement et leur compréhension de la religion, elle existait avant Hassan al-Banna, qui en est le fondateur, l'Égyptien? Non. Il y a une coupure. Ils ont ramené des explications qui n'existaient pas à l'époque des pieux prédécesseurs. Les chiites, pareil. Ils ont des fondateurs. Avant leur fondateur, c'est une idéologie qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète sallam, il y a même quelqu'un qui a piégé un chiite en lui disant qu'à l'époque des compagnons, subhanallah, il y avait un différend entre un sunnite et un chiite. Et le chiite, l'interrompit, il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible, parce qu'il n'y avait pas de chiite à l'époque. lui-même a témoigné. Il lui dit, c'est pas possible ton histoire. Quelqu'un qui est chiite, ça n'existait pas à l'époque du prophète. Donc il témoigne lui-même que ça n'existait pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Et parfois même, vous avez des gens dans le sectarisme, mais la vérité, elle sort de leur bouche. Un tablir qui vient vous dire, je sais que le prophète n'a jamais fait le khuruj. Voilà, il le dit. Il dit, mais moi je le fais. Subhanallah. Un Habash qui dit, mais on fait des choses, on fait des adorations, on est convaincu que le prophète ne les a jamais fait. Comment voulez-vous continuer une discussion avec une personne qui reconnaît déjà? Il dit, mais c'est des bonnes innovations, al-iyadu billah. Ils inventent des règles, puis se mettent à inventer dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Donc, la seule personne auquel on se rattache, c'est celui qui a transmis le message de son Seigneur. Celui qui a reçu la révélation. Le dernier des prophètes et des messagers, qui est le prophète Mohammed ibn Abdullah, alayhi salatu wassalam. Si on devait se rattacher à une personne précise, en dehors du prophète, ceci aurait été pour Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Ou pour Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Ou pour Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Ou pour Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Ou pour un autre compagnon. Mais jamais les tabi'in se sont mis d'accord pour suivre tel ou tel compagnon. C'est bien la preuve qu'on n'a pas de rattachement envers une personne précise, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous se doivent de se rattacher au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, les gens de la vérité, ils s'affilient à toutes ces trois générations. Ce n'est pas une personne précise. C'est ces générations qui étaient sur le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. As-sadis, le sixième point, anna hadhihi al-alqab la tufdi ila bid'a wa la ma'siyya wa la 'asabiyyatin li shakhsin mu'ayyan wa la li ta'ifatin mu'ayyana. Le sixième point, c'est que ces noms ou ces surnoms n'amènent pas à une innovation, n'amènent pas à une désobéissance ou à l'attachement aveugle pour une personne bien précise ou un groupe bien précis. Non, c'est le suivi de la vérité, le suivi du livre de la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. والنشرع هنا انتهى كلام الشيخ. Et là normalement c'était les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. والنشرع في التعريف بمسميات اهل السنه والجماعه باختصار. Maintenant nous allons voir une définition en résumé concernant les noms que se sont donnés les adeptes de la sunna et du groupe. Awalan, premièrement, ahlu sunnati wal jama'a. Les adeptes, les suiveurs, les gens de la sunna et du groupe. Hadha al-ism min al-asma' al-mashhura allati 'urifa biha ahlu sunna. Ce nom est un des noms connus, célèbres par lequel ont été connus les gens de la sunna. Wa huwa yutlaqu maqrunan bis-sunnah. Et le terme jama'a, qui veut dire le groupe, est toujours cité, lié au terme sunna. On dit as-sunna wal jama'a. La sunna et la jama'a. Fayuqal ahlu sunnati wal jama'a. Wa qad yalidu munfaridan. Et parfois il est cité tout seul en disant ahlu sunna. Fayuqal ahlu sunna en disant ahlu sunna. Wa yuqal أهل الجماعة. Et on dit aussi les gens du groupe. وهو قليل. Mais cette appellation, c'est rare qu'on la voit. Le plus souvent qu'on voit tout seul, c'est أهل السنة. والغالب اقترانه بالسنة. Mais en règle générale, il est lié, le terme جماعة, il est lié au terme سنة. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دي فإن السنة مقرونة بالجماعة. La sunna est liée, est rattachée au groupe. كما أن البدعة مقرونة بالفرقة. De même que l'innovation est liée et rattachée au terme furqa qui veut dire la division. فيقال, donc il est dit أهل السنة والجماعة. C'est pour cela qu'on dit les gens de la sunna et du groupe. كما يقال, comme aussi on dit أهل البدعة والفرقة. Les gens de l'innovation et de la division. Et de là on comprend que la sunna est toujours liée au rassemblement. La sunna est un appel au rassemblement, au groupe mère, d'être regroupé sur cette sunna. Et l'innovation, elle est liée à la division. C'est elle qui divise, c'est elle qui sépare, c'est elle qui est contre le rassemblement et l'union. C'est l'innovation. Et les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire aujourd'hui beaucoup? Ils veulent faire l'union avec l'innovation. Ils disent, nous on veut l'union. Mais avec quoi ils veulent faire l'union? Avec l'innovation. Parfois avec des choses qui sont du polythéisme. Des choses qui sont de l'innovation. Alors que l'union ne se fait qu'avec le monothéisme. Une communauté unie qui n'adore qu'un seul Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Et en arabe, on dit « la tawhid illa bit tawhid ». C'est le même terme. Il n'y a d'union et de rassemblement qu'avec le monothéisme. Et la sunna, celui qui appelle à la sunna, appelle à la véritable union, au véritable rassemblement. Et toute personne qui appelle à l'innovation, c'est lui qui divise et qui appelle à la division. Ce qui a divisé la communauté, c'est de s'être éloigné de la sunna. Tant que les gens étaient dans la sunna, ils étaient unis. Dès que des gens sont mis à inventer dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie, ils ont participé à la division et ils ont séparé la communauté. Donc on ne se trompe pas que celui qui verrait le véritable coupable, c'est lui le coupable. Et l'innocent, ce n'est pas lui le coupable. Celui qui appelle à la sunna, il appelle au rassemblement. Celui qui appelle à l'innovation appelle à la division. Parfois, vous avez des gens, ils sont unis, mais dans le faux, dans l'innovation, dans peut-être même des actes de polythéisme. Et tu viens les inviter au monothéisme, les inviter à la sunna, et ils te disent, toi, tu divises. Comme il a été dit au prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque Quraysh, les Arabes de la Mecque, étaient unis. Mais dans quoi? Dans le polythéisme. Dans le shirk billah, tabaraka wa ta'ala. Et ils l'ont appelé le diviseur. Ils l'ont dit, toi tu divises. Oui, mais ils divisent entre le vrai et le faux. Ça c'est une bonne division. Entre le vrai et le faux. Les gens de la vérité et les gens du mensonge. Les gens du monothéisme et les gens du polythéisme. Donc ne vous faites pas avoir parfois... On vous attaque par des termes, je dis, lorsque vous appelez à la vérité, lorsque vous appelez à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'on vous dise, toi tu divises. Non, vous êtes déjà divisés. De par l'existence et l'apparition de cette innovation, vous avez participé à la division. Et la communauté, ça fait très longtemps qu'elle est divisée. Et les seuls qui appellent à l'unité, la véritable unité, au véritable rassemblement, c'est ceux qui appellent à la vérité. Et elle est où la vérité, si ce n'est celle qui se trouve dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et qu'est-ce qu'il y a après la vérité, si ce n'est l'égarement? Wa min asbabi tasmiyatihim bihada al-ism ahlus sunnati wal jama'a annahum qad tamayyazu بميزتين عظيمتين. Et parmi les causes qu'on les a appelées, les raisons qui ont fait qu'on les a appelées, qu'on les a nommées Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est qu'ils se sont distingués par deux distinctions. الأولى la première تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها leur attachement à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à en être les adeptes de cette sunna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on se rattache à sa sunna, comme dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya radiyallahu an, qui est connu, dans lequel il dit radiyallahu an, wa adana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan baligha وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حتى ظننا أنها موعظة مودع فقلنا يا رسول الله أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا. Donc je continuerai après la suite du hadith. Al-Irbad ibn Sari radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait une exhortation qui a fait frémir les cœurs, qui a fait trembler les cœurs et pleurer les yeux. Alors nous avons dit au messager d'Allah, c'est comme un discours d'adieu, recommande-nous, donne-nous des conseils. Et leur dit alayhi salatu wa sallam, je vous recommande la piété envers Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'écouter et d'obéir, même s'il advient que c'est un esclave abyssin qui devient votre chef. Car celui qui vivra parmi vous, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui sera encore en vie, il verra beaucoup de divergences. Il verra beaucoup de divergences. Voilà la maladie. Le mal qui va toucher la communauté, c'est ces divergences. Comment trouver la vérité ? C'est que chacun accepte l'idée de l'autre, chacun baisse les yeux par rapport à ce que dit l'autre, comme certaines sectes le disent, on met en application ce sur quoi on est d'accord, et sur les questions dans lesquelles on n'est pas d'accord, chacun excuse l'autre. Depuis quand ça c'est une règle islamique? Wal'iyadhu billah. Elles sont les limites. Alors que ce n'est pas la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le remède du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous parle de la maladie, mais il nous donne aussi le remède de cette maladie. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Donc, le remède, il arrive, vous devez de vous attacher, de vous cramponner à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi. Mordez-la à pleines dents. C'est-à-dire, même on essaie de vous l'enlever, c'est impossible, tellement que vous y êtes cramponné, vous y êtes rattaché. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et attention, mise en garde contre toute nouveauté en religion, car toute innovation est un égarement. Et il avait pour habitude de dire, عليه الصلاة والسلام, أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ. Après ceci, après les éloges faites à Allah subhanahu wa ta'ala, les louanges données à Allah subhanahu wa ta'ala et l'attestation de son unicité et du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait, après ceci, la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Car toute autre parole n'est que parole de créature. Et là, on a la parole du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Elle est au-dessus de toute autre parole. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a une guidée meilleure que celle du prophète Muhammad, alayhi salatu wa sallam. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, en parlant des ikhwan, il dit, regardez la plupart d'entre eux. comment ils taillent leur barbe. Et regardez comment était taillée la barbe de leur fondateur. Comme si c'était lui l'exemple à suivre. Et lorsqu'ils veulent laisser pousser la barbe, ils la laissent, mais comme lui l'a laissée. Non pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissée. Subhanallah. Tellement qu'ils sont attachés à des personnes, ils en arrivent à les prendre comme exemple dans toutes les questions. Ce qui est propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Et attention, il y a toute nouveauté en religion, dans le domaine des adorations, dans le domaine cultuel. Car toute nouveauté en religion est une innovation. Toute innovation est un égarement et tout égarement mène en enfer, dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallam dit toute innovation est un égarement. Des personnes plus tard, des siècles plus tard, inventent une règle et ils disent il y a des bonnes innovations. Et on a des gens qui répètent cela. Non, mais il y en a qui ont dit que, subhanallah, tu entends le prophète dire toute innovation est un égarement et tu viens dire que non, c'est pas vrai. Toutes les innovations ne sont pas un égarement. Il y en a qui sont bonnes et il y en a qui sont mauvaises. Subhanallah. Alors que la parole du prophète alayhi salatu wassalam est bien explicite, elle est bien claire. Tayyib. بخلاف سائر الفرق فهي تتمسك بآرائها وأهوائها. Contrairement aux autres tendances, aux autres sectes, qui eux sont rattachés à leurs propres opinions, leurs propres avis et leurs propres passions. وَأَقْوَالِ قَادَتِهَا et aux propos et aux paroles de leurs leaders. فَهِيَ لَا تُنْسَبُ إِلَى السُنَّةِ et de ce fait, ils ne sont pas ralliés à la sunna. وَإِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَى بِدَعِهَا mais ils sont ralliés à leurs innovations. Ou ila a'immatihim, ou à leurs imams, ou ila af'alihim, comme on a dit, ou à leurs actes bien précis, comme on a vu précédemment. Et leur deuxième distinction des gens de la vérité, annahum ahlul jama'a. D'un côté, c'est ahlul as-sunnah. Et ils sont aussi ahlul al-jama'a. Ce sont les gens du groupe. L'ijtima'ihim ala al-haq. Car ils sont regroupés sur la vérité. Et ils ne se séparent pas, ils ne se divisent pas. Contrairement aux autres sectes et aux autres tendances. Car eux, ils ne sont pas réunis sur une vérité. Mais ils ne font qu'en suivre leur passion, et donc il n'y a pas une vérité qui les réunit. Yaqul Cheikh al-Islam fi ta'rif ahli sunnah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit pour définir les adeptes de la sunnah hum al-mutamassikun bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa ma ittafaqa alayhi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Ce sont ceux qui sont attachés au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi étaient les premiers parmi les prédécesseurs, parmi les muhajirin, les musulmans de la Mecque qui ont émigré à Médine et al-ansar, les musulmans de Médine qui ont prêté secours et qui ont donné refuge aux premiers musulmans et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Thaniyan, deuxièmement, Ahlul Hadith. Parmi les noms qu'on leur donne, ce sont les gens du Hadith. Ce sont les gens qui sont rattachés au Hadith, qui suivent les Hadiths. Ce sont les récits prophétiques qui comportent les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les approbations du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que dans les hadiths, on a ces trois sortes de récits. Le compagnon dit, radiallahu anhu, le prophète a dit. C'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon dit, le prophète a fait. Ce sont les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon dit, telle action, telle parole a été appliquée en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète n'a rien dit. C'est une approbation du prophète alayhi salatu wa sallam. Parce que en tant que prophète, il ne lui est pas permis de retarder l'enseignement. Et si cet acte ou cette parole était interdite au contraire à la vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait empressé de corriger la personne. Tayyib. من الأسماء التي يسمى بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث. Parmi les noms par lesquels on nomme les gens de la sunna et du groupe, c'est que ce sont les adeptes du hadith. C'est un honneur d'être affilié à la sunna. C'est un honneur d'être affilié au groupe. C'est un honneur d'être affilié au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y en a parmi les sectes. Ça les embête d'entendre beaucoup le hadith. Ça les embête de voir beaucoup le terme hadith, subhanallah. Et ça prétend aimer le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais ceux qui prient le plus sur le prophète, sallam, ce sont les gens du hadith, qui lisent les hadiths matin et soir. Et à chaque fois qu'ils lisent le hadith, ils prient sur le prophète, alayhi salatu wassalam. وَهَذَا يَلِدُ كَثِيرًا فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ تَيْمِيَّةِ وغيره من أهل العلم قبله وبعده. Et c'est cette terminologie أهل الحديث, on la retrouve souvent dans les paroles des imams comme le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah et bien d'autres savants de l'islam avant lui et après lui. يذكرون أهل الحديث, ils citent les gens du hadith. وأهل السنة, et les gens de la sunna. مبينين اعتقادهم, en expliquant et en démontrant leur credo, leur dogme. وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُصْطَلَحَيْنِ, et ils ne font aucune différence entre ces deux surnoms des gens de la vérité, أهل الحديث et أهل السنة. فهذا الإمام الصابوني يقول في عقيدته. الإمام الصابوني, c'est un grand savant, un grand imam du 5e siècle de l'islam, qui a son livre qui s'appelle عقيدت السلف أصحاب الحديث. Son livre qui s'appelle La Aqida, le credo, la croyance, le dogme des pieux prédécesseurs, les suiveurs du hadith, les adeptes du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et à ne pas confondre avec un sabouni contemporain qui est connu pour avoir écrit des livres dans le commentaire du Coran, mais qui est contraire à la Aqida de Ahle Sunnah, mais plutôt qui va dans le sens de Al-Asha'ira, et que beaucoup de ulama ont fait la réfutation, qui s'appelle Muhammad Ali al-Sabouni. Je ne sais pas s'il est encore en vie, Allahu a'lam, mais les ulama ont mis en garde contre ses ouvrages. Donc l'imam al-Sabouni rahmallah dit: inna ashab al-hadith al-mutamassikin bil-kitab was-sunnah hafidhallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhadun lillahi ta'ala bil-wahdaniyyah وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. Il dit dans son ouvrage: certes, les adeptes du hadith, ceux qui sont attachés au livre et à la sunna, qu'Allah préserve ceux qui sont en vie parmi eux et qu'Allah prenne dans sa clémence et sa miséricorde ceux qui sont morts parmi eux, ils témoignent pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est le seul, l'unique dans sa seigneurie et dans sa divinité, subhanahu wa ta'ala. Et il témoigne pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a reçu le message et la prophétie. Il a un yaqul, jusqu'à qu'il a dit: wa qad a'adha Allahu ahla sunnah min at-tahrifi wat-takyifi wat-tashbihi wa manna 'alayhim bit-ta'rifi wat-tafhim. Donc dans le sens, il dit: et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les gens de la sunna de commettre une quelconque altération ou de rentrer dans le domaine du comment en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de donner ressemblance à Allah à une de ses créatures. Et Allah leur a fait don d'avoir la bonne compréhension et la bonne définition. Wa yaqul Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah dit: "Madhhab as-salaf ahli al-hadith wa as-sunnah wa al-jama'ah." La guider, la voie, le chemin des prédécesseurs, les adeptes du hadith, de la sunna et du groupe. فالمراد بأهل الحديث في كتب عقائد السلف هم أهل السنة. Donc ce qui est voulu par le terme أهل الحديث, les adeptes du hadith, dans les ouvrages concernant le dogme et la croyance des pieux prédécesseurs, il est voulu par ce terme-là أهل السنة, les gens de la sunna. يقول ابن تيمية, ابن تيمية رحمه الله dit: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته بل نعني بهم كل من كان حقا بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Lorsque nous citons le terme أهل الحديث, nous ne voulons pas parler ceux qui se contentent seulement d'écouter le hadith, ou alors seulement d'écrire le hadith, ou seulement de rapporter le hadith. Mais nous voulons, par cette terminologie, tous ceux qui sont en droit de ce terme, parmi ceux qui mémorisent et apprennent les hadiths, qui en comprennent les sens apparents et cachés, et qui le suivent intérieurement et extérieurement, et de même les gens du Coran. ثالثا, troisième point, الأثرية أو أهل الأثر. الأثرية أو أهل الأثر, les gens du أثر, ceux qui suivent les traces, les textes coraniques et les hadiths du prophète sallam, ils se rattachent à la révélation. وهذا الاسم يطلقه كثير من أهل العلم ويريدون به أهل السنة والحديث. Ce terme, ce surnom, est souvent cité par les savants, et ils veulent par là les adeptes de la sunna et du hadith. قال ابن ابي حاتم الرازي رحمه الله: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين والتمسك بمذهب اهل الاثر مثل ابي عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله. الامام Ibn Abi Hatim al-Razi, rahimahullah, dit: notre voie, notre chemin et notre choix dans notre suivi, c'est quoi? C'est de suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, radiallahu anhum, et leurs successeurs, les tabi'in, rahimahumullah, et de se rattacher à la voie des gens du athar, ces gens qui suivent les textes, comme l'imam Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Wa qala fi mawdi'in akhar, l'imam ibn Abi Hatim al-Razi dit dans un autre passage: wa alamatu ahli al-bid' al-waqi'atu fi ahli al-athar. Et parmi les signes propres aux gens de l'innovation, c'est qu'ils parlent en mal. Ils parlent en mal, ils dénigrent les savants de l'athar, les suiveurs de l'athar, les suiveurs de la sunna. Et en toute époque, on les a. Jusqu'à nos jours, on a ces gens qui dénigrent les ulama de la sunna et du suivi convenable. Et ça, c'est un des signes des gens de l'innovation. Car ce savant, si il se distingue par la sunna, tu dois encore plus l'aimer pour son attachement, son suivi et son invitation à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa alamatu zanadiqa, et parmi les signes de zanadiqa, c'est le pluriel du terme zindir. C'est un terme qui est employé par les ulama pour dire de quelqu'un que pratiquement il a quitté l'islam, il en est arrivé avec ses croyances, avec ses paroles, à quitter l'islam, wal iyadhu billah. Tasmiyatuhum ahl as-sunnah. Parmi les signes de Zanadiqa, ce sont les noms qu'ils inventent pour les donner aux gens de la vérité. Ils inventent un nom et ils le collent aux gens de la vérité pour faire fuir les gens de la vérité. Et parmi les noms qu'on leur donnait il y a très longtemps, Al-Hashawiyya, wa Alamatul Qadariyya, la secte des Qadariyya dans le domaine du destin, un de leurs signes, Tasmiyatum Ahl al-Athar, Mujbira. Wa Alamatul Murji'a, les Murji'a, un de leurs signes, Tasmiyatum Ahl al-Sunnah, Mukhalafa, Mukhalifa wa Nuqsaniyya. Wa Alamatul Rafida, et le signe de Rafida, qui sont les chiites, Tasmiyatum Ahl al-Sunnah, Nasiba. Chacun a donné un nom, Ahl al-Sunnah. Et dernièrement, ces derniers siècles, on les a appelés les Wahhabiyya. Pareil, c'est les Turcs, les Ottomans, qui les premiers ont employé ce terme pour faire fuir les gens du prêche de l'imam Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui a voulu purifier l'islam de toute forme de polythéisme. Et il a appelé au pur monothéisme, l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Et ils ont appelé Al-Wahhabiyya. ووارد ذلك في كثير في كلام كثير من الأئمة. Et on retrouve cela dans beaucoup de paroles des imams, مثل أبي نصر السجزي وابن تيمية والصفرايني وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. Et bien d'autres parmi les savants. وسموا بذلك نسبة إلى الأثر وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث. On les appelait Ahlul Athar, les gens de l'Athar, qui suivent les traces, les textes coraniques et les hadiths du prophète sallam. Et il est dit que le terme Al-Athar est un synonyme du terme Al-Hadith. Wa ma'na Ahlul Athar, comme a dit le Safaraini, et le sens de Ahlul Athar, comme l'a expliqué Safaraini, rahimahullah, est alladhina innama ya'khudhuna 'aqidatahum min al-ma'thur 'an Allah jalla sha'nuhu fi kitabihi aw fi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aw ma thabata wa sahha 'an as-salaf as-salih min as-sahabati al-kiram wa at-tabi'in lahum al-fikham. C'est ceux qui prennent leur dogme, leur croyance de ce qui est rapporté d'après Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans son livre, ou dans la sunna du prophète sallam, ou les récits authentiques qui nous sont rapportés d'après les pieux prédécesseurs parmi les nobles compagnons et les tabi'in. Wa hadha bi ma'na ahli sunna. Et là dedans il y a le sens de ahli sunna, le sens des adeptes de la sunna fi itlaq as-salaf, comme le disent les pieux prédécesseurs. Rabi'an al-firqatu an-najiyah. La faction rescapée, sauvée, ay an-najiya min an-nar, c'est-à-dire c'est le groupe qui est sauvé du feu de l'enfer. Haythu istathnaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma dhakara al-firq. Pourquoi on l'appelle al-firqatu an-najiya? Parce que le prophète sallam, lorsqu'il a parlé de l'apparition des sectes dans la communauté musulmane, il a précisé qu'il y a un groupe qui sera rescapé, sauvé du feu de l'enfer. Tous les autres sont voués au feu de l'enfer. Et un seul sera sauvé. Et ce groupe-là, on l'appelle Al-Firqatun Najiyah. Wa qala alayhi salatu wa salam, kulluha finnar illa wahida. Et le prophète a dit, tous iront dans le feu, sauf un seul. Ya'ni, laysat finnar. C'est-à-dire que celui-là, il ne sera pas dans le feu de l'enfer. أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق. Ceci est pris du hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية أخرى ما أنا عليه وأصحابي. Donc dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, et ma communauté, la communauté musulmane, se divisera en 73 groupes. Tous iront dans le feu pour leur éloignement, pour leur contradiction avec le Coran et la Sunna, pour leur éloignement de la vérité, sauf un seul, et c'est le groupe. Ceux qui sont restés fermes sur la vérité, ils n'ont rien changé, ni enlevé, ni rajouté. Et dans une autre version du hadith, ce sont ceux, ce groupe-là c'est qui ? Ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi, ainsi que mes compagnons aujourd'hui. Khamisan at-ta'ifatu al-mansura, le groupe victorieux. Cinquièmement, parmi le nom qu'il leur est donné, le groupe victorieux. Wa hadhihi at-tasmiya ma'khuzatun min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin hatta ya'ti amru Allah wa hum dhahirun. Et ce nom est tiré de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, cité dans le hadith du compagnon Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallam a dit: et il restera un groupe de ma communauté apparent jusqu'à que vienne l'ordre d'Allah, c'est-à-dire que l'heure sonne, et ils seront apparents sur cette vérité, victorieux. Puis il dit en annotation: وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الطَّائِفَ الْمَنْصُورَةِ وَالْفِرْقَ النَّاجِيَةِ وَإِنَّمَا هُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ. Il dit: c'est trompé celui qui a voulu prétendre que الطَّائِفَ الْمَنْصُورَةِ, le groupe victorieux, c'est un autre groupe que الْفِرْقَ النَّاجِيَةِ, la faction rescapée ou le groupe sauvé. Il dit là, il est voulu un autre groupe que le premier. Alors que non. Dans un hadith, lorsqu'il est parlé du groupe sauvé, sauvé du feu de l'enfer, et dans l'autre, le groupe victorieux, toujours apparent sur la vérité, il est voulu le même groupe. Et celui qui a ramené cette ambiguïté, c'était dans les années 90 de l'ère chrétienne. Au début des années 90, c'était le prêcheur saoudien Salman al-Aouda, un égaré parmi tant d'autres. Salman al-Aouda, et Cheikh Rabi al-Madkhali, hafidhahullah, a écrit un ouvrage pour répondre à cette, et réfuter cette ambiguïté, qu'il a appelé At-ta'ifatul Mansoura hiya al-firqatul Najiyah. Le groupe victorieux, c'est bien lui, la faction rescapée. Donc c'est pour cela qu'il a mis ça en annotation. Sadisan as-salafiyya ou as-salafiyun. Sixièmement, la salafiyya et les salafis, ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Nisbatan lis-salaf, c'est une affiliation aux prédécesseurs, le prophète, les compagnons, les tabi'in, ces trois générations vantées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient sur le droit chemin, la droiture, la vertu, la piété, on s'affilie à eux. L'islam, c'est l'islam que eux ont connu. Wa salafil lugha, et le terme salaf dans la langue arabe, c'est jam'u salif. C'est le pluriel du terme salif. Wa salif al-mutaqaddim, c'est celui qui t'a précédé. On l'appelle salif. Et le pluriel, c'est al-salaf. Wa salaf al-jama'a al-mutaqaddimun, c'est le groupe qui t'a précédé, qui est venu bien avant toi. Wa minhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, qawluhu azza wa jal, faj'alnahum salafan wa mathalan lil-akhirin. Et on retrouve ce terme-là dans le sens littéral, linguistique, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Az-Zukhruf, dans le sens du verset. Et nous avons fait d'eux des prédécesseurs et un exemple pour ceux qui viennent après. Qala al-Baghawi fi tafsirha, al-Imam al-Baghawi, un imam de la Sunna qui a un tafsir du Coran, il dit rahimahullah dans l'explication de ce verset: والسلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. Et les prédécesseurs, c'est ceux qui ont précédé parmi les pères et les ancêtres. Et nous avons fait d'eux des prédécesseurs, des gens qui ont précédé, pour que ceux qui viennent après en prennent leçon. وقال ابن الأثير, et ابن الأثير رحمه الله dit: سلف الإنسان, les prédécesseurs d'une personne, man taqaddamahu bil maut min aba'ihi wa dhawi qarabatihi. Pour lui, ces salafs, c'est ceux qui l'ont précédé par la mort, ils sont morts avant lui, parmi ses pères, ses ancêtres et ses proches parents. Wa li hadha summiya as-sadr al-awwal min at-tabi'in as-salaf as-salih. Et c'est pour cela que les premiers parmi les tabi'in de cette communauté, on les a appelés as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs. Hadha fil lugha. Ceci concernant le sens littéral et linguistique. Amma fil istilah, mais dans le sens technique et pratique, famal maqsoud bis-salaf as-salih, qu'est-ce qui est voulu par le terme pieux prédécesseur? Wa ma manhajuhum fil aqida, et quel est leur cheminement dans le domaine dogmatique? Wa ma abrazu sifat manhajihim, et quels sont les points les plus importants dans leur voie et leur cheminement? هذا ما سنعرفه ان شاء الله في الدروس التاليه. C'est ce qu'on verra inshallah dans les cours qui vont suivre. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.